Les deux livres des rois. Comme pour les deux livres de Samuel, les deux livres des rois, dans le texte original hébreu, formaient une entité. Nous voulons donc les considérer comme un tout. Les chapitres 1 à 10 du premier livre des rois sont consacrés au règne de Salomon. Israël est délivré de ses ennemis, il connaît une ère de paix et de prospérité, et Dieu élève le roi Salomon au plus haut niveau de gloire. Le Seigneur Jésus y a fait allusion dans son sermon sur la montagne lorsqu'il a dit « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 28 et 29. Les chapitres 1 et 2 du premier livre des rois montre comment Salomon succéda à David son père. Le chapitre 3 mentionne la prière que prononça le jeune roi, conscient de sa faiblesse et de ses incapacités, lorsqu'il demanda à Dieu la sagesse pour gouverner Israël. Cette prière honora l'Éternel qui se plut à l'exaucer en accordant à Salomon une sagesse exceptionnelle. 1 Rois, chapitre 4. Les chapitres 5 à 7 décrivent la grande œuvre de Salomon, la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. 1 Roi 8 rapporte la dédicace de ce temple, alors que le chapitre 9 et le chapitre 10 montrent d'autres réalisations de Salomon et dépeignent la gloire de son règne. Mais après la cime, la descente. Un grave déclin spirituel caractérise la fin du règne de Salomon. Le grand roi se laisse séduire et entraîner vers l'idolâtrie par les nombreuses princesses païennes qu'il a épousées. Dieu l'avertit pourtant solennellement. Mais aucun acte de repentance n'entrave cette décadence morale et Israël tout entier suit le mauvais exemple de son roi. Aussi, le schisme survenu après la mort de Salomon peut-il être considéré comme un jugement divin sur la nation ? 10 des 12 tribus se séparent de la maison de David et acclament comme roi Jéroboam, un officier qui s'était révolté contre Salomon. Et les effets de cette situation se prolongeront pendant plusieurs siècles. Le récit biblique englobe désormais deux nations. Jérusalem demeure la capitale du royaume du Sud, qui prend le nom de royaume de Juda. Les descendants de David continuent d'y occuper le trône et les Lévites se tiennent toujours devant l'Arche Sainte. Au royaume du Nord, qu'on appelle désormais royaume d'Israël, Jéroboam érige des veaux d'or dans les villes de Dan et de Bethel. Il engage ainsi le peuple à s'éloigner de l'Éternel et l'idolâtrie atteindra son apogée un siècle plus tard quand le roi Achab fera de Samarie la capitale du royaume du Nord. Depuis 1 Roi chapitre 12 qui raconte le schisme, jusqu'à la fin du deuxième livre des rois, le texte met donc en parallèle les événements du royaume du Nord et ceux du royaume du Sud. Dans le royaume du Nord, la désagrégation morale est beaucoup plus rapide. C'est l'apostasie la plus complète. Dieu n'est pas seulement oublié, il est renié. Des rois impies se succèdent sur le trône de Samarie. Dieu avertit, juge et écarte une dynastie après l'autre. D'une part, il envoie ses serviteurs les prophètes pour exhorter son peuple. D'autre part, il suscite des instruments pour le châtier. D'abord des officiers israélites, puis des monarques païens. Un peu plus de deux siècles après le schisme, c'est le jugement de la captivité. Les 10 tribus du Nord sont emmenées par des généraux assyriens dans le pays de Ninive, alors que d'autres migrants les remplacent dans le territoire de Samarie. Pendant ce temps, en Juda, des phases d'apostasie alternent avec des périodes de fidélité à Dieu. Le texte sacré précise « L'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. » 2 Rois 8, 19. Les Lévites servent Dieu dans le sanctuaire de Jérusalem. Plusieurs rois s'attachent à l'Éternel et exercent une influence déterminante sur la population. Asa, Josaphat, Joas et surtout Ézéchias, qui fut l'instrument d'un réveil spirituel et ramena le peuple à Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, ce roi intègre déjoue les plans de Sanchérib, roi d'Assyrie, venu assiéger Jérusalem. Il fut alors miraculeusement délivré en réponse à sa foi, de Rois 18 à 20. Enfin, Josias fut le dernier roi intègre. Il purifia le temple, rétablit les Lévites dans leur office et célébra une Pâque solennelle à Jérusalem. Mais Juda suivit tout de même l'exemple d'Israël en abandonnant l'Éternel et en s'adonnant à l'idolâtrie, ce qui entraîna aussi le châtiment divin. Alors que le royaume d'Israël avait été emmené captif par les Assyriens autour de l'an 720 avant Jésus-Christ, deuxième livre des Rois, chapitre 17, le royaume de Juda subit, environ 120 ans plus tard, la déportation à Babylone. Nebuchadnezzar, roi des Chaldéens, assiège Jérusalem à diverses reprises et finit par brûler le temple et la ville en l'an 586 avant Jésus-Christ, deuxième livre des Rois, chapitre 25. Il ne faut pas penser que cette longue période se déroula sans que Dieu se soit révélé et sans qu'il ait renouvelé ses avertissements à son peuple. Du 9e au 6e siècle avant l'ère chrétienne, chaque génération d'Israël eut l'occasion d'entendre le message divin prononcé par des prophètes que Dieu suscitait pour parler de sa part au peuple et l'amener à la repentance. La plupart de leurs prophéties font l'objet d'une révélation distincte et nous aurons l'occasion de les examiner plus en détail lorsque nous étudierons la fin de l'Ancien Testament. Mais les livres des Rois réservent une place toute particulière à deux prophètes qui n'ont pas laissé d'écrits dans l'Ancien Testament. Ce sont Élie, 1 roi 17 à 2 roi 2, et Élisée, 2 roi 2 à 2 roi 13. Le prophète Élie est suscité par Dieu à l'époque du roi Achab et de la reine Jézabel, au moment où l'idolâtrie a atteint son point le plus critique. Messager de l'Éternel, Élie annonce à Israël un jugement. 3 ans et demi de sécheresse et de famine. Et pendant ces années, le prophète est nourri miraculeusement par les corbeaux au bord du torrent de Kérit, puis par une veuve phénicienne à Sarepta, 1 roi chapitre 17. Le chapitre suivant montre Élie au mont Carmel, confronté au prophète de Baal. Dieu répond à la foi de son serviteur en envoyant le feu du ciel sur son sacrifice. Les prophètes du dieu païen sont massacrés et l'autorité de l'Éternel réaffirmée. Puis, Élie fuit les menaces de la reine Jézabel. Mais Dieu le rencontre à la montagne du Sinaï, 1 roi 19, l'engageant à poursuivre son ministère devant Achab, Jézabel et leur fils Akasia, 1 roi 21, 2 roi 1. Et Dieu met son approbation sur ce ministère extraordinaire en enlevant Élie au ciel dans un char de feu sous les yeux de son serviteur Élisée, appelé à lui succéder, 2 Rois chapitre 2. Le ministère d'Élie est prophétique des jugements que le Seigneur Jésus exercera lors de sa deuxième venue. Quant au ministère d'Élisée, il préfigure la grâce inconditionnelle et souveraine manifestée par Jésus-Christ lors de sa première venue. Comme Jésus-Christ, il fut un instrument de bénédiction à Jéricho, la ville maudite, 2 Rois 2. Comme Jésus-Christ, il ressuscite le fils unique d'une mère qui pleurait et il multiplie les pains, 2 Rois 4. Comme Jésus-Christ, il guérit un lépreux, 2 Rois 5. Et l'on pourrait mettre d'autres miracles d'Élisée en parallèle avec ceux de l'Évangile. Mais concentrons notre attention sur l'un d'entre eux. Nous lisons deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Élisée avait dit à cette femme dans la détresse, « Que puis-je faire pour toi ? Aujourd'hui, l'homme de Dieu, le divin Élisée, qui est Jésus-Christ, vous dit à vous, en cet instant, « Que puis-je faire pour vous ?» Il est disposé à vous aider, à répondre à votre prière, à intervenir dans votre vie, à pourvoir à vos besoins, à répondre à votre soupir le plus intime, à vous sauver pour la vie et l'éternité. Pour cette femme de l'Ancien Testament, le prophète a employé ce qu'elle avait, le vase d'huile. Et cette huile a été multipliée parce que cette femme avait eu confiance en l'homme de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus fait appel à la petite goutte d'huile qui vous reste, c'est-à-dire à la pensée de l'éternité qui demeure tout au fond de votre être, ou bien à votre sincère désir de trouver Dieu. Ensuite, il multipliera ses grâces envers vous. Le Seigneur Jésus disait, lorsqu'il était sur la terre, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 29. Si aujourd'hui même, vous vous livrez entièrement à Jésus-Christ, cessant de vous confier en vous-même ou en votre entourage, il répondra à votre prière. Il pardonnera vos péchés. Il vous accordera la paix du cœur et la certitude de la vie éternelle. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Le dernier miracle d'Élisée fut accompli à titre posthume. Lors d'une bataille, on jeta dans son sépulcre un cadavre qui, au contact des os d'Élisée, reprit vie. Deux Rois, chapitre 13, verset 21. C'est encore une image prophétique du sort glorieux qui attend ceux qui auront eu confiance en Jésus-Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 1 Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Effectivement, les morts en Christ ressusciteront pour vivre éternellement avec lui. Si aujourd'hui vous mettez votre confiance en Christ, votre Sauveur, un jour, vous aussi, vous ressusciterez avec lui. Qu'il vous soit fait selon votre foi.